get me in, call me back. Quand je te dis non, c'est non, viens pas redemander. C'est même plus un love, c'est drogué, attention à l'OD. Après le showcase négatif, zéro baby à l'hôtel. Tu peux demander, tu peux gratter tes idées. Il faut que t'arrêtes, il faut que tu te stoppes. Faut que t'arrêtes harceler le code non-stop. Les soucis me donnent envie de péter une clope. Fumer, fumer, histoire de me changer les idées. Attaché par tout ce qui nous fait du mal, oh là là. Je suis sans malade, j'y sens remède en même temps, oh là là. Tu me fais passer pour méchant, oh là là. J'en ai marre, j'ai du mal à la quitter, oh là là. De ma personne à toutes ses amies. En toute humilité, je comprends grave la baby. Si j'étais une conseil, je me kifferais aussi. Oh, wow. Depuis tout à l'heure, je parle grave d'elle. Moi aussi, c'est vrai, j'apprécie. Arrêtez vos histoires de coup, tu fais. Ça va pas ensemble, jamais te lâche. Kiffe quand elle arrive en beauté, gars. La M représente bien sur Insta. Elle est vraie, tout est gars. C'est ma baby à moi, tout ce qui est à moi. Tu sais qu'on touche pas. Don't touch, baby. Don't touch. Don't touch, baby. Don't touch. Les soucis me donnent envie de péter une clope, fumer, fumer, histoire de me changer.